Audiomatique. Ce que vous avez entendu en ouverture de la transmission 150 d'Audiomatique, c'est le groupe suisse The Young Gods et la chanson Moon Revolutions, tirée de leur album Only Heaven, lancé en 1995. The Young Gods a été fondé au milieu des années 80 par Frank Treichler, qui est le seul membre de la formation originale à avoir traversé les années. La musique des Young Gods est basée principalement sur l'échantillonnage et elle a influencé bon nombre d'artistes comme David Bowie, James Keenan de Tool, The Edge de U2, Mike Patton de Faith No More et Mr. Bungle, KMFDM de Chemical Brothers, Ministry, Nine Inch Nails, Sonic Youth, pour ne nommer que ceux-là. Vous écoutez Audiomatique, animé par les électronistes, et qui est, vous l'aurez sans doute deviné, spécialisé en musique électronique de tout genre et de toute époque. Vous pouvez consulter notre profil facebook.com/audiomaticcfou pour en savoir davantage ou nous écrire à audiomaticcfou@commercial.gmail.com. Redonnons toute la place à la musique, cette fois avec Underworld. Thank you. Nous venons tout juste d'entendre à Audiomatic le groupe anglais Underworld et leur composition Thing in a Book, parue sur le mini-album Dark and Long. Underworld a connu deux périodes distinctes depuis sa formation en 1987. Au début de sa carrière, le groupe adopte un son incorporant des influences empruntées au rock, au funk et au synth-pop. Il fait paraître deux albums, Underneath the Radar, en 1988, et Change the Weather en 1989. Après une pause de quelques années, les deux membres principaux de la formation, Carl Hyde et Rick Smith, recrutent le DJ Darren Emerson, et dès le début des années 90, ils se mettent à produire des pièces résolument électroniques, tout d'abord sous les pseudonymes Lemon Interrupt et Steppin' Razor, puis ils reviennent au nom original Underworld avec l'album Dub No Bass With My Headmen en 1994. C'est d'ailleurs de cette période qu'est tirée la pièce Thing in a Book. Cette transmission 1.5.0 d'Audiomatic tire déjà à sa fin et nous la terminerons avec le groupe allemand Project Pitchfork, une pièce qui pourrait être considérée comme une belle anomalie dans leur discographie. Il s'agit de la pièce A Journey Through the Psychonetic Dimension que l'on retrouve sur le mini-disque qui accompagne l'album Entities dans le coffret Entities Box lancé en 1992. C'était Audiomatic avec les électronistes. À la semaine prochaine! I'm going to go to the next one. Thank you.